بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'auteur رحمه الله dit باب زكاة الأثمان. Donc le chapitre concernant la zakat des monnaies. Donc ici il va aborder les monnaies. Après nous avoir expliqué diverses sortes de zakat, il va nous expliquer les monnaies. Et aujourd'hui ce chapitre là c'est sans doute l'un des plus importants, notamment dans ce pays. Parce que la majorité des richesses que possèdent les gens, c'est les monnaies. À part, sinon, les commerçants aussi, ils ont des marchandises. Mais de manière majoritaire, les gens, aujourd'hui, ils ont donc de l'argent liquide, que ce soit en banque ou chez eux. Donc ce chapitre, il est important de l'étudier. Les gens ont de l'argent et ne savent pas ce que c'est que la zakat. Ils se contentent de sortir comme ça, un petit billet une fois par an. Et ils ne savent pas qu'il y a des taux. Une fois qu'ils sont atteints, la zakat devient obligatoire avec les conditions, etc. Donc tout ça en réalité c'est une obligation individuelle. On se rappelle que la zakat c'est un pilier de l'islam. Il dit rahimahullah wa hiya naw'an. Il dit donc que al-athman, les monnaies sont de deux types, dhahabun wa fidda. Il dit or et argent. Donc l'or et l'argent, de manière générale dans les civilisations passées, c'était les monnaies par lesquelles les gens ils faisaient leurs échanges. Et notamment au temps du prophète alayhi salatu wassalam, les monnaies étaient de deux sortes. Il y avait ad-dinar, le dinar qui était donc la pièce d'or, et ad-dirham qui était la pièce d'argent. Donc les gens ils faisaient leurs transactions financières avec cela. Quand ils voulaient acheter des animaux, des fruits, des légumes ou autre, ils faisaient une transaction avec ce type de monnaie. Donc la base de ce chapitre là c'est l'or et l'argent. Mais prend la place de l'or et l'argent aujourd'hui, donc le liquide qui existe, les monnaies qui appartiennent à chaque pays. Donc l'euro pour l'Europe, le dollar pour les États-Unis, le yen, etc., la livre sterling, toutes ces choses-là, le franc suisse, le dirham du Maroc, le dinar algérien, tunisien. Toutes ces monnaies-là remplacent al-dhahab wa al-fidda, l'or et l'argent. Donc il dit rahmatullah alayhi wa la shay'a fil fiddati hatta tablugha 200 dirham. Il n'y a rien dans l'argent. Donc là il parle du matériau. Il dit il n'y a rien dans l'argent jusqu'à ce qu'il atteigne 200 dirhams. Donc ça c'est le nisab de l'argent. Et ici le cheikh rahmatullah alayhi il a utilisé donc un nombre, il a dit 200 dirhams. Mais en réalité, ce qu'il faut utiliser, notamment dans le madhhab, il faut utiliser un poids. Car on va voir ensuite que dans l'or, il va utiliser un poids. Donc 200 dirhams, ça c'est une conversion du poids en réalité que l'on doit utiliser. Cheikh Al-Uthaymin dit dans son Sharh Al-Mumti', il dit « Al-Mu'allifu rahimahullah a'tabara al-dhahaba bil-wazn ». Donc l'auteur, rahimahullah, a considéré donc le nisab de l'or, il a considéré l'or par le poids. Et il a considéré l'argent par le nombre. Donc il a dit 200 pièces d'or. Un dirham c'est une pièce d'argent, pardon. Il a dit 200 pièces d'argent. Or en réalité c'est le poids qu'il faut utiliser, parce que même les pièces d'argent au temps du prophète alayhi salatu wassalam, elles pouvaient être de poids différents en réalité. Donc il dit rahimahullah Cheikh Al-Uthaymin, والمذهب الاكل حنبليت ان المعتبر فيهما الوزن. C'est que ce qui est considéré dans l'or comme l'argent c'est le poids. وان الانسان اذا مالك 140 مثقالا من الفضه. Et lorsque la personne possède 140 mithqal, le mithqal c'est une unité de mesure au temps du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque la personne possède 140 mithqal, donc il dit, c'est-à-dire Cheikh Al-Uthaymin, 595 grammes d'argent, fa inna fiha zakah. Il y a donc aumône lorsqu'il atteint 595 grammes. Il dit que ça atteigne 200 dirhams ou que ça n'atteigne pas. Donc si jamais tu as par exemple 145 dirhams, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, maintenant c'est clair, il n'y a plus. Mais à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, 200 dirhams, ce n'était pas obligatoirement 595 grammes, ce n'était pas obligatoirement 140 mithqal. Donc nous, qu'est-ce que l'on retient ici? Le nisab de l'argent, il commence à 595 grammes. Nous, on garde que ça dans notre tête. Une fois que j'ai 595 grammes d'argent, hein, d'argent pur, c'est ça qui compte. C'est l'argent pur. Une fois que tu as 595 grammes d'argent, ici commence le nisab. Est-ce qu'on sort notre zakat tout de suite? Non, on va voir quand est-ce qu'on sort notre zakat. Dans le hadith de Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَفِي الرِّقَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمْ رُبُوعُ الْعُشْرِ رَوَهُ الْبُخَارِي. Et dans l'argent, lorsqu'il atteint 200 dirhams, il y a le quart du dixième rapporté par Al-Bukhari. Donc ici, qu'est-ce qui est cité? Le nisab, 200 dirhams. Et qu'est-ce que l'on sort? C'est rapporté aussi dans le hadith. Rubu al-ushr, le quart du dixième, c'est-à-dire le quarantième, c'est-à-dire en pourcentage 2,5%. Ça, c'est ce que l'on doit sortir, 2,5%. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَ. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Il n'y a pas en deçà de 5 awaq. Donc 5 awaq, c'est 595 grammes. 5 awaq, c'est 595 grammes. Bien, c'est 140 mithqal. Nous, 5 awaq, on le met de côté. On ne s'en sert plus aujourd'hui. 140 mithqal, on le met de côté. On ne s'en sert plus aujourd'hui. Nous, on se sert de quoi? 595 grammes. Et il n'y a pas en dessous de 5 awaq, c'est-à-dire en dessous de 595 grammes. Ça, c'est l'estimation de Cheikh Al-Uthaymeen. D'autres savants donnent d'autres estimations, nous on garde celle de Cheikh Al-Uthaymeen. Il n'y a pas en dessous de 5 awaq, c'est-à-dire en dessous de 595 grammes d'argent de zakat, de sadaqa, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit ensuite, rahimahullah, l'auteur, Ibn Qudama, fayajibu fiha, c'est-à-dire dans ces 200 dirhams, si tu veux dans ces 5 awaq, ou bien si tu veux dans ces combien de grammes? Dans ces 595 grammes. Il dit, fafiha khamsatu dirahim, il y a 5 dirhams. Pour 200 dirhams, combien? Il y a 5 dirhams, c'est-à-dire un quarantième, c'est-à-dire 2,5%. Donc pour 595 grammes, en grammes, tu vas faire ton opération, 2,5% de 595 grammes. Ça, c'est lorsque tu atteins le seuil 595 grammes. Lorsque tu as 1 kilo et qu'un an tourne dessus, tu vas sortir 2,5% de 595 grammes ou d'un kilo? D'un kilo. D'accord. Donc, il dit lorsque l'argent atteint 200 dirhams, ce qui est obligatoire de sortir, c'est 5 dirhams. Donc, lorsqu'on atteint 595 grammes, ce qui est obligatoire, c'est de sortir 2,5% de 595 grammes. Et il y a ijma' là-dessus, que l'on doit sortir 2,5%, le 40e. Il n'y a pas de divergence là-dessus en raison du hadith d'Anas radiyallahu anhu précédemment cité. Wala shay'a fi adh-dhahab hatta yablugha 20 mithqala. Et il n'y a rien, donc il n'y a pas de zakat dans l'or jusqu'à ce qu'il atteigne 20 mithqala, 20 mithqal. En raison du hadith d'Ibn Omar et de Aïcha radiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala kana ya'khudh min kulli 20 dinaran fasa'idan nisf dinar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait à chaque fois que l'argent atteignait 20 dinars, ou plus, il prenait un demi-dinar. Pour 20 dinars, il prend un demi-dinar, un quarantième, 2,5%. Et donc, 20 mithqalan, 20 mithqal, c'est quoi? En grammes, c'est 85 grammes. C'est 85 grammes d'or. Et d'or pur, quand on veut dire d'or pur, c'est le 24 carats qui est mélangé à rien. Qui est mélangé à rien. 18 carats, c'est 75% d'or, etc. Ça baisse jusqu'à 14 carats, 50 et quelques pourcents d'or. Mais il faut faire attention, dans l'or 18 carats, il y a 75% d'or, et souvent les 25% restants, c'est 12,5% d'argent et 12,5% de cuivre. C'est 12,5% là d'argent, c'est de l'argent. Donc il faut faire attention, si tu as beaucoup d'or 18 carats, si tu as beaucoup d'or 18 carats, tu as aussi peut-être un nisab d'argent dedans. Tu as peut-être un nisab aussi de dents d'argent. Tu as peut-être atteint le seuil d'argent dans l'or que tu as. Parce que ce que tu as comme or, en réalité, tu as de l'or et de l'argent quand tu as du 18 carats. Tu as de l'or et en plus de l'argent. Donc les 85 grammes d'or, c'est pour le 24 carats. Pour le 18 carats, ça va être un peu plus. Ça va être un peu plus de 110, il me semble. Tu fais ton produit en croix. Tu vas faire ton produit en croix. Et si tu as du 14 carats mélangé, du 18 carats mélangé, du 24 carats mélangé, etc. Et tu fais à chaque fois ton calcul et tu regardes qu'est-ce que tu as comme or. Tu regardes. Si tu as un bracelet de 6 grammes d'or 24 carats, là tu as 6 grammes. D'accord ? Si tu as un bracelet de 18 carats, de 6 grammes à son tour, là tu as combien de... Tu as combien de grammes d'or ? Tu as 3 quarts. Donc tu as 4,5 là. Tu as 4 grammes et demi ici. Tu n'as pas 6 grammes là. Donc là pour l'instant, tu as combien ? Tu as 6 grammes du bracelet 24 carats. Tu as 4,5 du bracelet de 6 grammes de 18 carats. Tu as dit, pour l'instant, tu as 10 grammes et demi. Hein? Pareil, si tu as un bracelet de 14 carats, il pèse 10 grammes. Tu n'as pas 10 grammes d'or ici. Hein? Tu as une certaine proportion parce que tu n'as que 14 carats. Donc, tu additionnes combien tu as d'or. Et attention, tu as aussi de l'argent dans le 14 carats. Tu as aussi de l'argent dans le 18 carats, etc. Donc ça, il faut te renseigner quand tu achètes ton or. Qu'est-ce qu'il y a en plus de l'or, là, ce 18 carats, qu'est-ce qu'il y a en plus des 75 grammes d'or tous les 100 grammes? Et il va te dire qu'est-ce qu'il en est. Mais habituellement, c'est ça, 12,5% d'argent, 12,5% de cuivre, wallahu a'lam. Donc il dit, rahimahullah, et il n'y a rien dans l'or jusqu'à ce qu'il atteigne 20 mithqals, et on a dit que c'était 85 grammes d'or, ça c'est en ce qui concerne le 24 carats, et on a compris pour les autres qualités d'or. فَيَجِبُ فِيهِ نِصْفُ مِثْقَالِ. Donc qu'est-ce qui est obligatoire de sortir lorsque on atteint 20 mithqal, c'est-à-dire 85 grammes? Un demi mithqal pour 20 mithqal, donc un quarantième encore, hein, 2,5% toujours. Donc on se rappelle de ça. Lorsqu'on atteint le nisab, lorsqu'on atteint le seuil d'argent qui est de 595 grammes, et qu'une année lunaire s'écoule sur cette valeur-là, qu'est-ce qu'on a à sortir? 2,5%. D'accord? Lorsqu'on en atteint 85 grammes d'or, 24 carats pour le 18, pour le 14, etc., à toi de faire ton calcul, et qu'une année lunaire s'écoule sur cet or-là, qu'est-ce qu'on doit sortir comme quantité? 2,5%. Et de même pour l'argent liquide. Donc l'argent liquide, une fois que l'argent que j'ai, qu'il soit mis en banque, qu'il soit en espèces, donc concrètement je l'ai chez moi en forme de billets, de pièces, hein, cet argent qu'on a aujourd'hui, les monnaies, une fois que j'atteins le nisab inférieur entre l'or et l'argent, hein, je ne sais pas si dans l'histoire l'argent a déjà dépassé l'or, hein, mais nous ce que l'on considère c'est le nisab inférieur, le seuil inférieur. Une fois que j'atteins le seuil de l'argent, on parle pour aujourd'hui c'est le seuil inférieur. Une fois que j'atteins l'équivalent de 595 grammes d'argent et qu'un an lunaire s'écoule sur cet argent-là, je sors combien ? 2,5% de cette somme-là. L'argent qui vient ensuite et qui se greffe à cet argent-là, on avait dit que ce qui était un net edge, ce qui faisait partie du bénéfice, ou bien ce qui faisait partie des naissances, leur année d'écoulement, c'est l'année de la base. D'accord, on avait dit ça. Si jamais j'ai un troupeau de chameaux, hein, qui a atteint, par exemple, qui est au nombre de 10. Pour 10 chameaux, je dois sortir deux moutons. Si jamais ils font des enfants, donc je commence à comptabiliser mon année, j'ai 10 chameaux. 1 mois, 10 chameaux. 3 mois, 10 chameaux. 6 mois, 10 chameaux. 8 mois, ils font des bébés. Maintenant, je me retrouve à 15 chameaux. Maintenant, je dois sortir 3 moutons. Ces 5 chameaux-là, je les compte dans la zakat et je sors 3 moutons une fois qu'un an s'est écoulé sur les 10 premiers chameaux, ou bien je dois comptabiliser une nouvelle année pour ces 5 chameaux-là? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ils sont greffés aux 10 premiers chameaux qui sont leur base, leur source, d'accord? Par contre, si on me donne 5 chameaux, 6 mois après que j'ai atteint un nombre de 10 chameaux, on me donne 5 chameaux. Ces 5 chameaux-là, ils ont une année décomptée à part pour eux. parce qu'ils ne proviennent pas des 10 chameaux. D'accord ? Maintenant, quand je reçois un salaire, mon salaire, lorsque je le reçois, est-ce qu'il provient des, par exemple, déjà de ce que j'ai qui a dépassé le nissab ? Non. Donc, si jamais j'ai dépassé le nissab d'argent, via le nissab d'or, donc je commence à décompter un an, ce qui tombe comme salaire entre-temps, soit, et c'est le plus facile, une fois qu'un an s'est écoulé sur ce qui avait dépassé au début le nissab. Vous me suivez ? Je sors 2,5% de tout ce que j'ai. Ou si je veux, je décompte un an pour chaque salaire. Alors là, il faut tenir des cahiers. Là, c'est une comptabilité. D'accord ? Je décompte à chaque fois 2,5%. Mais pas pour chaque salaire, pour ce qui reste. Pour ce qui reste, une fois que j'ai fini mes dépenses. D'accord ? J'ai 1500 euros de côté. Moi, j'ai une paye de 1500 euros par mois. Mais 1500 euros, ils tombent. 400 euros pour le loyer, 50 euros gaz, 50 euros électricité, 400 euros commission. À la fin, qu'est-ce qu'il me reste ? On va dire, il me reste 100 euros de côté. Il me reste 100 euros. Soit je compte un an pour ces 100 euros-là, et dans un an, je sors 2,5% de ces 100 euros-là, ou soit un an après les 1500 euros-là que j'avais de départ, je sors un an, je sors 2,5% des 1500 euros et de tout ce qu'il y a avant. Car la zakat, tu peux accélérer ta zakat, comme disent les savants. Donc j'accélère tout ce qui s'est greffé après, tout ce que j'ai rajouté à chaque fois. Au mois de février, j'ai rajouté 80, au mois de mars, 52,45 euros, au mois d'avril, 38 euros. Mais si tu veux tenir des comptes pour chaque somme qui ensuite vient se greffer, tu peux. Ça, c'est pour les salaires, c'est pas la marchandise. Celui qui fait de la marchandise, ses bénéfices, ils proviennent du capital investi au début. Donc lui, il ne peut pas dire à chaque fois, il a fait un bon coup cette fois, alhamdoulilah, une bonne somme qui est rentrée, et il compte 2,5% un an pour ça, là. Pour cette bonne affaire, cette bonne transaction, dans un an, je sors 2,5%. Non, cet argent que tu as rentré par cette transaction, il provient d'où ? À la base, c'est du capital que tu avais investi. Donc là, à chaque fois, tu sortiras 2,5% de tout ce que tu as. Contrairement au salaire. Donc au salaire, je peux faire des comptes individuels pour chaque salaire, mais c'est difficile. Donc on se rappelle que l'argent, il prend le seuil. Quand je dis l'argent, pardon, c'est le liquide, les monnaies, donc l'euro ici. Il prend donc le statut de l'argent et de l'or. Et on considère le seuil inférieur. Donc pour nous, en ce moment, c'est le seuil de l'argent. Il dit ensuite concernant l'or et l'argent. « فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا » C'est-à-dire dans l'or et l'argent. Si jamais il y a en eux « رِشُن » un mélange. Un mélange. C'est-à-dire qu'il y a du cuivre ou bien qu'il y a du fer. Et de manière générale, c'est le cas pour l'or. Parce que c'est quelque chose qui est fragile. C'est une matière fragile. Donc souvent, ils y ajoutent des matériaux. Il dit donc, si jamais il y a un mélange, فَلَا زَكَاتَ فِيهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ فَلَا زَكَاتَ فِيهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا. Il n'y a pas de zakat jusqu'à ce que le taux d'or ou d'argent dans les matériaux atteigne le nisab. D'accord ? Donc, si j'ai que de l'or 18 carats, je ne dois pas considérer le nisab comme étant 85 grammes. Mais je dois donc faire mon calcul pour voir quel est le nisab à atteindre ici. Je l'avais calculé la dernière fois, je crois 113 grammes, ou je ne sais pas, de mémoire. Bref, c'est un produit en croix à faire. Donc pareil pour l'argent. Si jamais c'est un argent qui n'est pas pur, je dois regarder quand est-ce que j'atteins 595 grammes d'argent pur. Et dit, fait une chèque kafi dhalik. Si jamais il doute, est-ce que cet or ou cet argent, il est pur, ou bien il est mélangé. Il dit, khuyira bayn al-ikhraj. Donc soit il sort la zakat, comme si c'était du pur, comme si c'était du pur, il a 100 grammes d'or. Il a 100 grammes d'or. Si jamais c'est du 18 carats, il n'y a pas zakat. Si c'est du 24 carats, il y a zakat. Si c'est du 24 carats, il y a zakat. Si c'est du 18, il n'y a pas zakat. Soit il sort la zakat pour 100 grammes 24 carats, parce que dans le doute, on dit que c'est du pur, ou soit il va le tester. Et aujourd'hui, c'est facile avec les moyens. Donc, il dit, fa in shakka fi dhalik, si jamais il doute, est-ce qu'il est mélangé ou non, il est mélangé ou non, cet or ou cet argent, khuyira bayna al-ikhraj, il choisit, soit il sort la zakat, wa bayna sabkihima liya'lama dhalik, ou bien il va donc les tester auprès du bijoutier afin de savoir quel est le taux d'or ou d'argent contenu dans ses bijoux, ses monnaies, etc. Il dit, wala zakata fil huli il mubah il mu'addi lil isti'mal wal 'ariya. Et il n'y a pas de zakat dans les bijoux. Dans les bijoux qui sont licites, permis. Dans les bijoux qui sont permis et qui sont, utilisés donc pour s'embellir, ou l'aria, ou bien pour les prêter. Donc là, on parle des bijoux de la femme, hein, des bracelets, des colliers, des bagues, des ceintures, etc. Que ce soit de l'or ou bien que ce soit de l'argent. Donc ces bijoux-là, selon la majorité, lorsqu'ils sont utilisés par la femme pour être portés, ou bien qu'elle les prête aux gens. On ne dit pas elle les loue. Elle les loue, c'est autre chose, on va le voir. Si jamais elle les prête, quand il y a un mariage, elle les met, quand il y a ce qu'on appelle une munasaba, une occasion, à ce moment-là, elle met ces bijoux-là, il n'y a pas de zakat, selon la majorité des savants, dans cet or-là, cet argent, même s'il dépasse le nisab. Même s'il dépasse le nisab. C'est l'avis majoritaire, c'est l'avis de l'école des Hanabila, des Hanbalites, des Malikiyas, des Malikites et des Shafi'iyas, des Shafi'ites. Et Abu Hanifa, rahmallah, il dit qu'il y a zakat dedans, et même des contemporains comme Cheikh Ben Bess choisissent cet avis-là, wallah a'lam. Mais l'avis majoritaire, c'est qu'il n'y a pas zakat. Ceux qui disent qu'il y a zakat, ils s'appuient sur le caractère général, donc des versets qui parlent de sortir la zakat de l'or et l'argent. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Quant à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et qui ne la dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Et aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, خذ من أموالهم صدقة. Prends de leurs biens une sadaqa, c'est une zakat, une aumône, c'est-à-dire la zakat obligatoire. Et ils disent que ça rentre dans les biens de manière générale. Et les autres, ils disent que la base dans les biens, c'est qu'il n'y a pas zakat. La base dans les biens, c'est qu'il n'y a pas zakat jusqu'à ce que le char à la législation désigne ce bien-là comme étant un bien pour lequel il faut sortir la zakat. Et la zakat, à la base, quand on observe les biens donc, pour lesquels on doit sortir la zakat, c'est lorsqu'il y a noumou, lorsqu'il y a croissance. Lorsque on cherche à s'enrichir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de zakat dans les biens que tu as chez toi. Il n'y a pas de zakat pour ta télé, il n'y a pas de zakat pour ta maison, il n'y a pas de zakat pour ta voiture, il n'y a pas de zakat pour tes vêtements, il n'y a pas de zakat pour ton tapis, pour tout ce que tu as à la maison. Pourtant, ça c'est des biens. Ça rentre dans el-mel. Et pourtant, on n'a pas dit que ça rentrait dans le verset « Khudh min amwalihim sadaqa ». Prends de leurs biens une sadaqa. Il n'y a pas de sadaqa là-dedans. Et l'or et l'argent pour lequel il y a sadaqa, c'est celui de la monnaie, celui que l'on garde pour qu'il prenne de la valeur. Donc si jamais quelqu'un, il dit, moi, mes biens, mon capital, je vais le mettre sous forme de bijoux. Je vais le mettre sous forme de bijoux, que ce soit un homme ou une femme. Donc si c'est un homme, c'est clair, parce que l'homme, il ne prend pas des bijoux pour les mettre. Et même si c'est pour les mettre, il doit sortir la zakat, l'homme. C'est pour ça qu'il a dit, وَلَا زَكَتَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَحِ. Et il n'y a pas de zakat dans les bijoux, donc ils sont mubah, permis, licites. Mais pour l'homme, son or, que ce soit en collier, que ce soit en bracelet ou autre, il y a zakat. Et même l'argent, sauf la bague, on verra que c'est permis de mettre une bague en argent. Mais si un homme a de l'or ou de l'argent sous forme de bijoux, il doit sortir la zakat. Il ne nous dit pas c'est zakatul huli. Les Hanbali, les Maliki et les Shafi'is ont dit qu'il n'y a pas zakat. Ça, c'est pour la femme. Al-Huli, al-Mubah. C'est pour les bijoux qui sont licites. Donc, pour l'homme, il y a zakat. Et la femme, si elle a des bijoux qu'elle garde pour qu'ils prennent de la valeur, hein, ou bien pour les louer, il va le citer, ou bien pour que ce soit son capital. Hein, pour que ce soit son capital. Quelqu'un, il vend ce qu'il a chez lui, il vend sa voiture, etc. Il dit, moi, plutôt que garder du liquide, je vais acheter de l'or. Je vais investir dans des bagues, des colliers, etc. Je le garde chez moi. Et ça, c'est mon argent. Ça, c'est comme quelqu'un qui a de l'argent à la banque. Une fois qu'un an a tourné, tu dois sortir 2,5% de ça. Mais l'or ou l'argent de la femme qui sont à la maison, dans sa boîte, dans le tiroir de son chevet, et quand il y a une munasaba, une cérémonie, elle le met, et elle va à sa cérémonie, quand elle revient, elle les remet dans son tiroir, même si elle utilise une fois tous les 6 mois, peut-être une fois tous les 1 an et demi, ou ça, mais lorsqu'elle est questionnée, et elle, elle sait si elle ment ou pas. C'est pourquoi ces bijoux? Tu veux les vendre? Tu veux qu'ils prennent de la valeur? C'est pour les louer aux gens? Non, c'est rien de tout ça. C'est pourquoi? C'est simplement pour les mettre quand il y a un mariage ou ça, ou je suis invité, je les mets, c'est tout. Il n'y a pas de zakat là-dedans. Dans ces bijoux-là, il n'y a pas de zakat. Celui qui veut sortir d'une porte large et jouer la sécurité, il prend la vie des Hanafi et sort la zakat. Allah alam, la vie majoritaire, c'est qu'il n'y a pas de zakat ou l'ilm wa indallah. Et tous les hadiths qu'ont apporté ceux qui ont dit qu'il y a zakat, ils sont critiquables. Soit dans le Sened, la chaîne de transmission, hein, ou bien même dans le texte même, il y a des choses à dire. Et il y a des paroles de Selef avec une chaîne de transmission authentique rapportée par Ibn Abi Shayba. Amrata rahmatullah alayh, qalat, a dit, radiallahu anha, une femme, ma ra'aytu ahadan yuzakki, je n'ai vu personne donner la zakat de l'or utilisé par la femme. Et aussi Hassan al-Basri radiyallahu anhu a dit: la na'lamu ahadan min al-khulafa yaqal fi al-huli zakat. Nous ne connaissons personne parmi les califes, parmi les 4 califes, qui ont dit il y a dans les bijoux, donc qui sont pour l'embellissement, de zakat. On ne connaît personne parmi les califes qui ont dit qu'il y a zakat là-dedans. Et ça, c'est concernant l'or et l'argent, ce qu'on est en train de dire. Après, les bijoux de la femme, diamants, émeraudes, rubis, etc., tout ça, il n'y a pas de zakat selon le consensus des savants, tant que ce n'est pas une marchandise, d'accord. Mais comme ça, pour se faire belle, il y a consensus là-dessus. Après, il y a divergence sur l'or et l'argent. On a dit que la majorité disent qu'il n'y a pas de zakat. Wallahu a'lam. Il dit ensuite, rahmallahu, wa yubahu lin nisa'i kullu ma jarat al-'adatu bi labsihi min adh-dhahab wal-fidda. Et il est permis aux femmes, il est licite pour les femmes, donc de porter tout ce qui est en or et en argent que les gens ont l'habitude de porter. Donc, ce que les femmes ont l'habitude de porter, que ce soit en or ou que ce soit en argent, c'est permis. C'est permis aux femmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des femmes: aw man yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin. Il parle des femmes en disant et quant à celui qui grandit dans les bijoux. Donc ça, c'est une caractéristique des femmes. Ils grandissent dans les bijoux, c'est quelque chose qui leur est coutumier. Wa huwa fil khisam ghayr mubin. Alors qu'il est, et il est dans l'argumentation, quelqu'un qui n'est pas clair. Wa hadha al-hukm mujma'un alayh. Et ce statut-là, donc le fait que l'or et l'argent soient licites pour les femmes, c'est quelque chose qui est consensuel. Le prophète alayhi salatu wassalam, fi laylatil Isra, lors de la nuit de l'ascension, il a pris dans sa main droite de l'or et dans l'autre main de la soie. Il a dit: hadhani muharramani ala dhukuri ummati hillun li inathihim. Ces deux choses-là sont interdites pour les hommes de ma communauté et sont licites pour les femmes. Donc l'or et l'argent, à la base, c'est permis. Sauf si après on essaie de ressembler aux kafirettes par cela. On essaie de ressembler aux mécréantes, ça c'est autre chose. Donc là, entre là-dedans le piercing du nombril, piercing de la langue, après on ne parle même pas du piercing d'autres choses, qu'Allah nous préserve. Toutes ces choses-là, ça c'est quoi? On a vu les mécréantes, alors on essaie de faire pareil. Donc après, quand on essaie de ressembler à quelque chose qui est spécifique aux mécréantes, le bijou, lui, il reste licite. Après, le fait de le mettre là, ça ne rend pas ce bijou haram, mais c'est cet acte qui est haram. Mais après, même s'il y a une forme de bijou qui devient spécifique au kafiret, que ce soit de l'or ou de l'argent, la femme aussi ne se doit pas de mettre ce type de bijou pour leur ressembler. وَيُبَاحُ لِلْرِجَالِ مِنَ الْفِدَّةِ. Et il est permis aux hommes concernant l'argent. Donc en or, il n'y a rien qui est permis. Il y a une petite divergence sur certaines notions, mais la base, c'est que l'or, il est interdit aux hommes. وَيُبَاحُ لِلْرِجَالِ مِنَ الْفِدَّةِ. Donc concernant l'argent, il est permis aux hommes. الْخَاتَمْ. Donc la bague. La bague, le prophète alayhi salatu wassalam avait pris au début une bague en or, hein, puis il l'a jetée, et les compagnons l'ont jetée aussi, radiyallahu anhum, fattakhadha khataman min fidda. Puis il a pris une bague en argent, sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ont pris aussi une bague en argent. Après, est-ce que c'est permis ou recommandé? Certains savants disent que c'est recommandé, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Allah dit: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un bon modèle. Et d'autres disent que la base, c'est que c'est permis. C'est obligatoirement permis. Car le prophète alayhi salatu wa sallam l'a fait et les compagnons aussi l'ont fait. Et si c'était interdit aux compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait interdit. Mais est-ce que c'est recommandé? D'autres disent: si tu en as le besoin. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il a pris une bague lorsque certains lui ont conseillé cela. Ils lui ont dit que les rois ne lisent pas les courriers tant qu'ils ne sont pas tamponnés par leur sceau. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a pris à ce moment-là une bague. Et ce qui montre encore plus que c'était par besoin, j'ai ala fassahu fi batini kaffi. C'est qu'il a mis donc le sceau qui était Muhammadun Rasulullah à l'intérieur de sa main pour pouvoir mettre son sceau sur les courriers. Donc certains disent que là-bas c'est que c'est licite et par besoin ça devient recommandé, wallah alam. D'autres disent que c'est recommandé à la base. Ala kulli hal, dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est donc un bien. Et celui qui le fait par amour, ma'jour, il est récompensé. S'il veut le faire par suivi du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, par amour. Quand on apprend, on fait la différence entre licite et recommandé, c'est pour savoir si tu le fais par, en tant que recommandation, est-ce que tu es dans la bid'a. D'accord ? C'est comme la imam, hein, comme mettre le turban, si jamais tu vas le mettre par amour du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Les sandales sibtiya, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam avait une forme de sandale qu'on appelle les sibtiyatan. Toutes ces choses-là, pour lesquelles il n'y a pas un hadith qui est venu vraiment le rendre recommandé, wallahu a'lam. Si tu le fais par amour, t'es ma'jour, tu es récompensé. Si tu le fais par sunnah, là ça devient même une bid'a chez des savants. Donc dans Sahih al-Bukhari Muslim, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a mis une bague en argent. Ittakhadha khataman min fidda. Donc quant à la alors, c'est haram. Ce n'est pas permis aux hommes. Il dit quant aux bijoux, donc, quant aux bijoux, donc, qui est possédé pour le louer, pour la location. Il dit walid dikhar, et aussi pour la thésaurisation. Donc, pour le garder, c'est un capital pour qu'il prenne de la valeur. Il dit wal muharram, et l'interdit. Donc, l'homme qui a des bagues en or, des colliers, etc. Il dit fafihi zaka, il y a dans celui-là donc az-zaka. Beaucoup de gens pensent l'argent c'est halal, donc je peux mettre de l'argent. Quand tu dis ça c'est haram, tu dis ouais, mais c'est pas de l'or. Non, mais ça rentre dans la ressemblance aux femmes. La base, l'homme ne met pas de bijoux, et on extrait de tout ça là-bas car le prophète alayhi salatu wa sallam l'a fait. Il dit wa hilyatus sayf, et aussi l'argent qui se trouve sur l'épée. Certains savants disent que c'est permis. Et il y a des hadiths là-dessus, Allah alam, leur authenticité, comme quoi les compagnons avaient de l'argent, ou même le prophète alayhi salatu wa sallam, sur son épée, hein, sur la poignée. Et ça, c'est utilisé pour irhab al-adou, pour montrer, mettre la crainte dans l'ennemi. Et il y a des choses qui sont haram à la base, mais qui sont permises lors du jihad. Comme par exemple la démarche avec, une démarche qui en apparence est de l'orgueil. Abu Dujana radiyallahu anhu, lors d'une bataille, il s'était mis donc un tissu rouge autour de la tête et il s'est mis à marcher avec orgueil. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit hadhihi mishyatun yubriduha Allah illa fi hadha al-mawtin. Ça c'est une démarche qu'Allah déteste si ce n'est dans ce type de situation. Donc mettre de l'argent dans son épée pour faire peur aux ennemis, wallahu a'lam. Certains savants ont dit que c'est permis. Donc concernant l'argent qui est pour la location, l'argent, l'or, qui est les bijoux qui sont possédés pour les louer, ou bien les dikhar, thésaurisés, ou bien le muharram, il y a zakat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.